Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission du Podcast Auto, émission du 23 juillet 2014. J'espère que ça va bien. Luc Desormeaux au micro à l'animation. Et avec moi ce soir, ben, j'ai trois collègues, trois comparses. On va commencer avec Martin Sagala. Salut Martin. Salut. On a Simon-Pierre Rioux du site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Salut Simon-Pierre. Un beau bonjour électrique à vous. Puis on a Jean-François Beaulieu du site jean-françois-beaulieu.com. Salut Jean-François. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Bon, on va commencer. Cette semaine, on va pas mal passer l'émission à parler électrique avec Simon-Pierre. On va passer, c'est les vacances de la construction. C'est les vacances aussi pour plein de gens qui ont rien à faire dans la construction. Pas parce qu'ils sont pas bons puis ils travaillent là-dedans pareil, parce qu'ils travaillent juste pas dans la construction. On va mettre ça clair là. Il y en a aussi qui sont pas bons qui travaillent là-dedans. J'en connais quelques-uns malheureusement. Moi aussi. Oui, mais bon, fait qu'on va parler de tourisme électrique. Donc, est-ce que c'est possible de faire un voyage avec une voiture électrique? On a la preuve. Il y a quelqu'un qui allait faire un très long voyage avec une IMIEV, donc on pourra peut-être, je ne sais pas si c'est dans le sujet de Simon-Pierre, mais on va sûrement faire un petit croche là-dessus. Mais on va commencer avec Jean-François. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez la patience de nous écouter depuis ce temps-là. L'année passée, on vous a parlé d'un événement qui s'appelait Cars for Kids, qui est une levée de fonds, une collecte de fonds pour les enfants malades. Donc, ça se passe encore en fin de semaine. Donc, Jean-François, parle-nous un peu de ça. C'est où, c'est quoi, c'est comment, qu'est-ce que ça fait? Puis, Est-ce que ça mange en hiver? Ouais, c'est ça, un petit peu. Tu sais, donne-nous, qu'est-ce que ça mange en hiver ou en plein mois de juillet, là, mais dis-nous un peu ce que c'est. Bon, OK. Ben, comme la plupart des auditeurs le savent peut-être, je travaille à la Fondation d'Hôpital de Montréal pour enfants, comme il m'a appelé le Children. C'est un événement de tierce partie de la fondation qui s'appelle Car for Kids, qui se déroule au Canadian Tire à Kirkland, comme Luc l'a mentionné tantôt. Ça se déroule samedi qui s'en vient, le 26 juillet. Ça commence à 10h, ça se termine vers les 17h à peu près. C'est une collecte de fonds qui est organisée pour la fondation. Et cette année, c'est un petit peu plus spécial, parce qu'ils veulent rendre ça à la mémoire de leur héros qui est décédé l'an passé d'un cancer du cerveau à l'âge de 13 ans. OK. C'est leur inspiration. Son nom, c'est Christopher Fonseca. C'est vraiment l'inspiration de Car for Kids, puis malheureusement, il est décédé l'an dernier. Alors, c'est pour ça que cette année, l'événement a lieu en son honneur. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est une compétition de voiture, de beauté. C'est ouvert à tout le monde. Ceux qui ont des belles voitures et non pas des Cobalt comme la mienne peuvent y aller. Vous savez, des Camaro, des Corvette, des Mustang, des Ferrari, des véhicules modifiés. Des vieux Rambler. Exactement, c'est la place pour aller là-bas, pour aller montrer votre véhicule. Il va y avoir de la musique. L'année dernière, il y avait des filles qui nettoyaient les voitures, c'est des cheerleaders ou des écoles qui nettoyaient les voitures pour amasser des fonds. Cette année, c'est pas certain encore, je sais pas si ça va avoir. Mais cheerleaders, c'est pas des cheerleaders adultes. exactement, mais c'est vraiment pour tout le monde. Il y a toutes sortes de véhicules. Si jamais vous voulez amener le vôtre, vous êtes les bienvenus. Puis, comme là, par exemple, je suis sur la page de l'événement, puis j'ai une belle photo d'un dragster, un Top Fuel. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des voitures d'accélération là-bas. J'espère qu'il n'ira pas sur son pouvoir. Non. Et voilà, dans le parking du Canadian Tower, ça ferait longtemps qu'il défoncerait le Canadian Tower. Mais c'est ça, c'est pour une bonne cause, puis ça lie ma passion avec celle des enfants malades qu'on veut traiter le plus rapidement possible. OK. Donc, Canadian Tire de Kirkland, c'est juste à voie de service de la 40. Exactement, oui. Entre Saint-Jean et Saint-Charles, si je me rappelle bien, ou Saint-Jean-Saint-Charles. Donc, 10h à 17h, que tu as dit. Exactement. Moi, je lancerai un appel. Moi, je vais essayer d'aller faire un tour. Là. Je devrais être là peut-être en fin d'avant-midi, début d'après-midi. Je vais juste aller faire un tour, prendre quelques photos pour mettre sur le site, des choses comme ça. Puis c'est ça, on va voir, j'aurais aimé faire plus, mais comme je l'ai appris à la dernière minute, que c'était cette semaine. Fait que donc si l'année prochaine on peut se prendre un peu plus d'avance, j'essaierai peut-être d'avoir quelque chose puis aller passer la journée là-bas. Là. Mais même quand on y pense, juste quelqu'un qui a des commissions à aller faire chez Canadian Tire dans ce coin-là, juste faire un détour, aller à celui-là. C'est ça, c'est ça. Exactement. Donner une coupe de pièces pour une bonne cause. Puis, les yeux étaient. C'est ça. Moi, j'ai pas de Ferrari à présenter, mais cette semaine, je me promène en Mazda 3 2014 flambant neuf. Elle est assez incroyable, je dirais. J'ai resté surpris quand j'ai vu l'intérieur deux tons. Ouais. Mais bon, c'est pas. Ça gagnera pas de prix comparé à des Ferrari, des Lamborghini, puis des. Ça gagnera pas les modifiés. Mêmes prix, en tout cas. Non, mais pour être une voiture qui a de l'allure, ça tape dans l'œil. Mais bon. Bien. Ouais, donc on vous invite à aller là. Moi, si vous avez des voitures d'exception, des voitures qui, tu sais, qui pour vous, qui vaut la peine d'être montrées, allez faire un tour. J'imagine si les gens veulent s'inscrire pour participer au concours, ils peuvent arriver là quoi? Faut qu'ils arrivent là le matin de bonne heure puis passer la journée ou c'est comment ça fonctionne? Il n'y a pas vraiment d'indication, sauf que si jamais vous voulez y aller, puis vous avez des questions, ils ont un site web à CARZ, c'est KARZ4KIDZ.ca. Okay. Ou sinon, il y a leur email, le carforkids à commercial@hotmail.com, puis ils vont répondre à vos questions concernant l'exposition de voiture. Je vous garantis qu'ils vont vous répondre assez rapidement. Okay. Ils sont très motivés. Puis s'il y a des gens qui ont des voitures électriques qui nous écoutent, mais peut-être aller faire un tour, ça serait peut-être le temps de montrer vos autos électriques, surtout si vous avez une Tesla. Puis des choses comme ça, c'est des voitures qu'on voit un peu sur la route, mais on n'a pas souvent l'occasion de se tenir debout à côté puis parler avec le propriétaire. Ça serait peut-être le fun s'il y en aurait. Ce qu'on voit sur la route, juste quand c'est une anecdote complètement plus ou moins rapport, là, mais j'en ai croisé 5 l'autre jour. Ouais. On commence à en voir un peu. C'est impressionnant parce qu'il y a des gens qui savent pas du tout c'est quoi, ils suivent plus ou moins les nouvelles sur les véhicules électriques, etc. Puis, ils voient cette voiture-là, ils sont comme, ça doit être une voiture dispendieuse, ils regardent la marque Tesla, puis il y en a certains qui m'ont approché, ils ont dit, ça c'est une auto électrique, c'est Tesla, il me semble que c'est un monsieur qui avait à voir avec l'électricité il y a 100 ans, de ça. Puis ils sont capables de déterminer que, sans l'avoir bougé ni rien, que c'est probablement électrique comme voiture. Ouais. Ben ça peut aider si tu regardes en arrière, tu vois qu'il n'y a pas d'échappement. Ouais. Avec un nom comme ça, si ça avait été diesel, ça aurait été un brin bizarre. Ouais. Ouais, c'est un fait. Mais Tesla, c'était un groupe de heavy metal dans les années 80 aussi. Aussi. Ouais. Mais bon, je sais pas lequel des deux Elon Musk aimait le plus. Non, c'est Nikola Tesla, mais bon, on peut spéculer. OK, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour. Moi, j'ai affaire à Mirabel. Je m'en vais chez mon papa en fin de semaine. Donc, je vais essayer d'arrêter en allant là-bas. Je vais aller faire un tour, puis jaser un peu, prendre des photos. Puis l'année prochaine, moi, je vais peut-être me présenter. Okay. L'année prochaine, Jean-François, c'est ta job de nous avertir d'avance. Oui. Comme ça, je vais pouvoir laver mon auto, puis y aller. C'est ça. Puis moi, je vais m'arranger pour peut-être avoir quelque chose de plus punché pour aller là-bas, si je suis capable. Good. Cette année, j'ai essayé, mais c'est pas possible. Tout est déjà booké comme une semaine délai. D'avance. Ouais, c'est ça, tu sais, le délai. Ouais, t'as-tu quelque chose pour la fin de semaine prochaine? Non. Mais bon, c'est ça. L'année prochaine, on va essayer de travailler plus fort. Je sais que j'avais dit ça l'année passée, mais je me fiais sur Jean-François pour me dire la date de l'événement. Pour pas le faire d'emblée. j'ai vu ça apparaître sur Facebook. C'est quand? C'est jeudi passé, peut-être vendredi passé? Ouais. Là, c'était comme OK. Trop tard. Mais bon, la meilleure chance la prochaine fois. Au moins, on en parle, puis on va essayer d'aller faire un tour, puis on en jasera un petit peu dans un prochain show. Là. Pas nécessairement le show de la semaine prochaine, peut-être dans celui de la semaine d'après, on jasera un peu comment ça a été, puis qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. Puis je mettrai des photos que j'aurais prises sur notre site. Ça fera quelque chose pour décorer. Donc, Simon-Pierre, tourisme électrique. Ça, c'est fun. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Ça tombe à pic avec les vacances de la construction. Il faut comprendre qu'il y a un tiers des Canadiens qui vivent encore d'un chèque à l'autre, d'une semaine à l'autre. Mm-hmm. Fait que quand on commence à leur dire, bon, vous avez des vacances, mais vous allez vous sauver. Où est-ce que vous en allez? On veut toujours prendre son véhicule puis sauver puis aller explorer notre belle province ou même aller un petit peu à l'extérieur, aller en Ontario, aller dans l'État de New York, au Vermont, peu importe, même aller un petit peu plus loin. Mais souvent, ce qui va freiner les gens à se déplacer, ben ça va, ils savent que le prix de l'essence va augmenter. Là, en ce moment, la facture monte vite. Je l'ai vu, là, aujourd'hui, je regardais ça, c'était à 1,52 $. Sur la rive sud de Montréal. Oh, ouais. Donc, ça va augmenter probablement dans les prochains jours pour le reste de la province. Ça, c'est beaucoup d'argent. On dépense beaucoup d'argent pour se promener, non seulement pour aller au travail, mais après ça, pour pouvoir avoir des belles vacances. Fait que là, on se dit, ben, nous autres, les propriétaires de véhicules électriques, on l'a facile. C'est super agréable. On est capable de se promener un peu partout à travers la province pour quelques sous. Quelques dollars. Puis, il y a plusieurs de nos membres qui en ont profité. On a eu la chance d'observer les frasques d'un membre qui a été juste deux membres, en fait, qui ont été en Gaspésie sans savoir qu'ils partaient en même temps. Donc, c'est bon. Le tour de la Gaspésie au complet. Il y a Radio-Canada qui les a interviewés. Il y en a un qui s'est organisé pour aller à des bornes gratuites. Il a fait 25 arrêts. Pour se recharger, pour partir du centre du Québec, puis faire tout le tour de la Gaspésie, puis de revenir. Il a fait 24-25 recharges, dont 20 étaient gratuites. Donc, son voyage lui est revenu à 5 $ C'est quand même fou. Là. On parle de facilement plus de 100 $ avec un véhicule, même plus que ça. Beaucoup plus que ça. Hey, il en a fait du kilométrage, je ne sais pas, c'était comme 1500-1800 km en tout. Ouais. Oh, mais c'est bien, c'est tout dépendant avec quoi, là, mais c'est que la majorité des véhicules. Tu sais, dans ce temps-là, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu te recharges, tu as un véhicule électrique, tu te recharges. La plupart du temps, avec des bornes de recharge de 240 volts, ben, tu vas t'arrêter un 4 heures. Il y a certains véhicules qui sont plus lents, ils vont prendre un petit peu plus de temps, mais on peut dire en majorité, ça va être 4 heures de temps. Bien, quand tu fais du tourisme, tu t'arrêtes, bien, tu choisis tes endroits. Puis la plupart du temps, les bornes ont été placées à des endroits qui sont intéressants. Autant, on regardait à Québec, juste à côté de l'Aquarium de Québec, il y en a. À côté du Vieux-Québec, il y en a plusieurs. On regardait à Trois-Rivières, Saint-Anne-de-la-Pérade, tout le long de la 132, il y a des endroits super beaux où on ne s'arrête pas souvent parce qu'on va surtout prendre l'autoroute 20 pour faire le chemin, pour aller dans le Bas-Saint-Laurent, pour aller en Gaspésie. Puis on prend plus le temps de faire un vrai road trip, de dire, je pars à mon auto, là, je prends mon char, puis je pars sur un nowhere. Je vais m'amuser, je vais aller voir les beaux paysages. Je n'ai pas à me soucier de savoir combien ça va me coûter. Parce que là, de nos jours, en tout cas, moi, je suis comme ça, j'y pense un petit peu avant de partir. En tout cas, j'y pensais avant d'avoir un véhicule électrique. J'y pense plus maintenant. J'aime ça juste partir puis dire, bon, mais regarde, je vais me laisser aller avec le vent. Je vais découvrir des nouveaux endroits, des petits villages où je suis jamais allé auparavant. On parle de Saint-Jean-Port-Joli, on va parler de Port-Neuf, on va parler de différents endroits où on n'arrêterait pas normalement. Puis on va juste explorer, puis il y a des belles choses à faire dans ces endroits-là. C'est tout en région, puis ils sont vraiment organisés pour le tourisme. Ça, c'est un de leurs revenus, on pourrait dire, principal pour certaines... plusieurs villages touristiques là, C'est beau, puis ils font toutes les petites maisons, ils vont les colorer de différentes façons pour plaire aux gens de la ville quasiment, parce que ça c'est attirant aussi, puis on est sur le bord de la mer, ça sent bon, là on va profiter de la bonne nourriture qu'ils vont nous offrir là-bas, les hébergements, le théâtre d'été, tu sais, autant qu'on peut juste partir à l'extérieur de la ville puis aller aux zoos de Granby, on peut aller dans les parcs nationaux de la CEPAC où ils ont tous des bornes de recharge pour les véhicules électriques. On va aller au parc national de la Mauricie. Il y a plein d'endroits comme ça. On va aller à des lacs pour aller faire de la pêche, pour aller juste louer une moto marine. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Aller jouer au golf, ils ont des bornes de recharge. Tous des endroits où on va faire des activités récréatives, ben, de plus en plus maintenant, on retrouve des bornes de recharge. On sait qu'on va être arrêté là pendant 3-4 heures de toute façon. Donc, c'est un bon endroit où arrêter. Puis après ça, on continue notre chemin. L'intérêt de ne pas les mettre sur le bord d'un champ. Exactement. Exactement. Ouais. Puis de plus en plus, avant, c'était comme ça parce que il y a une personne qui disait, bon, mais je suis peut-être intéressé à avoir une borne à mon commerce, mais c'était nulle part, c'était pas intéressant. Ah oui, là, maintenant, on est... Passer 3 heures chez Rona, ça vient long. Surtout quand t'as pas de place pour rien mettre dans ta valise puis acheter, tu sais. Ou même arrêter pour le au 5e, 6e restaurant sur le bord de la route, à un moment donné. Tu vas ça faire peut être dangereux si c'est une route avec des bars, ça. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il prend siroter un café pendant 4 heures. Tu sais. Voiture électrique cause d'alcool au volant. Ouais, c'est ça. Dépendant de où on stationne, ça peut être dangereux. Ça pourrait. Mais c'est ça. La seule chose, par exemple, c'est qu'il faut planifier beaucoup mieux notre voyage. Oui, ça c'est important. Puis il y a beaucoup d'outils pour faire ce genre de choses-là. Donc, je ne demanderai jamais à personne de juste partir sur un nowhere avec un véhicule électrique. Sans avoir d'informations. Parce que le nowhere pourrait être court. Ou long, c'est dépendant des où. Oh oui. Ils vont être pris, vraiment pris au milieu d'une forêt noire avec des hiboux qui hurlent et des chauves-souris qui tournent autour d'eux. Un loup qui attendait son lunch. Fait, une des choses qui est déjà disponible avec les véhicules électriques, c'est le GPS qui est intégré. Puis souvent, on va y retrouver des bornes. C'est pas toutes les bornes qui sont... toute mise à jour de façon régulière, mais ça donne quand même une bonne idée. Puis le véhicule sait déjà comment s'orienter. Donc, si on dit, bon, mais je vais partir de Drummondville puis je voudrais aller à Rimouski, ben le véhicule va te dire, t'es pas capable. Excuse-tu, père, mais t'es pas capable. Il faut bien essayer, Roger. Ça marche pas. Bon, Gilles, tu peux pas y aller, mais voici ce que tu pourrais faire. Sur ton chemin, il va y avoir une borne à la Pocatière, une borne à Rivière-du-Loup. Est-ce que tu aimerais qu'on y arrête? Tu pèses sur le petit bouton « oui », puis planifie tout ton voyage pour te faire arrêter aux bons endroits pour que tu puisses te recharger pendant ce temps-là. Donc, la plupart des voitures électriques sont intelligentes pour ça. C'est super le fun. Mais pour ceux qui ne sont pas intelligents, qui partent quand même sur un « nowhere » avec un véhicule électrique, parce que ça va arriver quand même. Là. Oui. Mais... si on appelle le CAA ou quelque chose, y a-t-il quelque chose d'équipé de quelconque façon pour venir charger ça sur le bord du rang double à Saint-Lin? Au Québec. Ça existe. Des remorqueuses ou des camions de service qui ont des bornes de recharge haute vitesse intégrées. Fait qu'ils arrivent sur le bord de l'autoroute, puis ils te branchent, puis ils te rechargent. Ils vont te recharger en 10-15 minutes. C'est ça que je me demandais. Ils vont te recharger en 10-15 minutes. Donc oui, ça existe pour le AAA aux États-Unis, okay. dans des États où il y a beaucoup de véhicules électriques. Ça, ils vont l'avoir automatiquement. Des choses comme ça. Ouais. Mais au Québec, on n'en est pas encore rendu là, mais c'est certain que ça va être une solution. Il y a beaucoup de compagnies qui œuvrent dans le domaine puis qui veulent pouvoir offrir des solutions abordables aux remorqueurs ou aux dépanneuses pour qu'ils puissent aussi offrir service en même temps. Parce que quand je regarde ça, des coins comme quand on monte dans le nord, des places comme ça, c'est pas tout équipé avec des bornes ou des choses comme ça. Quelqu'un qui arrive, il reste là. Il prend une plateforme, il s'en va au garage, le garage, ça gratte le coco en sachant pas trop comment le charger, il est mal pris un peu. Mais sais-tu quoi? Ce qu'il y a de plus populaire à travers la planète, c'est des prises de recharge, des prises 120 volts. Des prises de 110-120. C'est ça. Tu peux te brancher n'importe où. C'est juste plus long. C'est beaucoup plus long, mais tu n'es pas obligé de te recharger au complet. Là. Tu peux juste dire, bon, j'étais à 30 km, il me manquait 30 km. Tu vas gagner chez quelqu'un. C'est au pire des cas. La personne qui a vraiment mal prévu son affaire, mais elle pourrait aller cogner à quelque part, dire, excusez. Est-ce que je peux me recharger chez vous pendant ce temps-là? Je peux-tu dépluguer votre piscine puis pluguer mon char? Non, ouais. Mais tu sais, c'est parce que quand même, c'est cette question que je me posais, partir des fois, il y a des coins plus touristiques où oui, il va en avoir, mais quand on va vraiment dans le milieu de nulle part. Là. Mais regarde, dans ce temps-là, on recommande, la VEC ne va jamais recommander aux gens de partir juste comme ça. Il y a des outils. Il y a pas ça pêche en Abitibi. Là. Il y a deux outils principaux qu'on va recommander aux utilisateurs de véhicules électriques pour qu'ils puissent planifier d'une bonne manière leur voyage pour partir en vacances. Le premier s'appelle PlugShare. C'est une application, c'est aussi un site Internet où on peut voir toutes les bornes de recharge qui sont sur nos routes au Québec. Puis aussi, il y a des gens qui sont propriétaires de véhicules électriques qui vont partager leurs bornes domiciliaires. Mm-hmm. Ça, c'est au Québec, on est vraiment des champions de ça. On a pratiquement le double de bornes disponibles pour les électromobilistes grâce au partage des bornes domiciliaires. Donc, moi, par exemple, j'ai ma borne qui est affichée sur ce site-là. Puis, c'est une petite maison bleue qui apparaît sur la carte, comme sur Google Maps. Et puis, les gens vont cliquer dessus, vont dire, « Bon, regarde, moi, je vais être dans ton coin demain. Est-ce que c'est possible pour moi d'arrêter pour me recharger? » Oui. Je vais prendre deux œufs bacon avec ça. deux, mon café. Ouais. Mais tu sais, dans ce sens-là, c'est un service qu'on offre. Puis, tu sais, c'est une petite communauté, puis on veut s'entraider. Puis, ça démontre à quel point les Québécois, on essaie de s'entraider. Parce que c'est quelque chose qui débute quand même. On est rendu à quoi? 3500 véhicules électriques en ce moment au Québec. Puis, on se connaît pas tous, mais on essaie vraiment de tous mettre la main à la pâte puis de partager de cette façon-là. Le deuxième outil, c'est s'appelle Green Race. C'est un outil qui a été fait en Suisse. C'est fait pour les rallyes de véhicules électriques à travers les montagnes. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que tu dis ton point de départ, ton point d'arrivée. Puis, dépendamment de ton type de véhicule, parce que tu peux choisir ton véhicule, tu peux dire combien de passagers va y avoir dedans, tu peux dire la température extérieure, tu peux dire le nombre de bagages que tu vas avoir, la direction du vent, etc. Il va tout te calculer avec les élévations. Disons que tu es rendu sur la côte nord, puis il y a des grosses côtes. Il va tout te calculer ça pour savoir combien d'énergie tu vas utiliser pour te rendre à destination. Puis de là, il va être capable de dire oui, tu peux te rendre. Peut-être que ton véhicule électrique, il te dit que normalement, tu es capable de faire 160 km d'autonomie, mais avec tous ces facteurs-là additionnés ensemble, bien, ça ne donnera plus la même autonomie. Il va être capable de dire oui, ça va bien aller ou non, tu es mieux d'arrêter avant pour mieux organiser ton voyage. C'est aussi fiable les codes de consommation d'un auto-essence. C'est sûr que si on assis 6 dans un auto, qu'on pack ça de bagages jusqu'au plafond puis qu'on met un rack sur le toit, c'est sûr qu'il va coûter plus cher. Ben exactement. Fait que tu peux même modifier la coordonnée au niveau de l'aérodynamique du véhicule si tu mets un rack sur le toit. Fait que tous ces petits facteurs-là sont importants. Puis quand tu as un véhicule à essence, tu n'y penses pas vraiment à ces affaires-là. Mais quand tu as un véhicule électrique, tu peux pas te tanker n'importe où avec un véhicule électrique. Hein? Fait qu'on en est encore à ce point-là où tu peux pas juste arrêter n'importe où. Ça s'en vient. Ça change. Puis je veux dire, ça fait plusieurs années que je suis ça. Puis dans la dernière année, il y a eu des gros changements. C'est super intéressant de voir l'évolution du réseau puis des infrastructures de recharge qui mettent vraiment confiance autant les propriétaires que les futurs propriétaires. Parce que là, ils se disent, bon, regarde, normalement, je m'en allais à mon chalet, puis il n'y en avait pas de borne. Puis là, je m'aurais rechargé sur ma petite prise à 110 volts. Là, maintenant, je sais qu'il y a une borne. Je sais qu'il va y avoir une borne de recharge haute vitesse qui va me prendre 30 minutes. Tu sais, ça s'en vient, puis ça donne le goût aux gens d'acheter un véhicule électrique aussi, puis 100% électrique, parce que là, à un moment donné, c'est t'en as plus besoin de prolongateur d'autonomie ou d'avoir un véhicule qui va te donner plus d'autonomie. Tu vas être capable de te rendre grâce à tout ce nouveau réseau-là qui s'en vient d'ici l'automne au Québec. Ouais. Ah, quand même. Moi, ouais, il parle de bornes rapides 240 volts sur le bord de la 20 puis la 40, je pense. 480 volts, en fait, oui. OK, ça s'en vient, ça. T'as-tu des endroits où ça va être installé? Tu connais-tu les endroits où ça va être installé? Oui, le ministère des Transports du Québec est en train de faire un projet pilote entre Montréal et Québec sur l'autoroute 40. Mm-hmm. Il va y avoir 5 bornes entre Montréal et Québec. Ça va être un projet qui va durer pendant un an. Ils vont vraiment examiner pendant l'hiver, l'été, tout ça, comment les gens l'utilisent. Il va y avoir 7 corridors à travers le Québec, donc autant à Montréal, Gatineau, Laurentides, Rimouski, Sherbrooke, etc. Ils vont tout faire les réseaux principaux. Il y a aussi les compagnies privées qui veulent s'y investir. Puis ça, ça s'en vient, puis ça, ça va être intéressant. Petit scoop. Là, ça va avancer plus vite. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de bornes qui vont être installées par une compagnie qui est en train de mettre sur pied un réseau de bornes haute vitesse privée. Okay. Puis ça, l'AVEC travaille très fort avec eux pour qu'on puisse le mettre en marche le plus rapidement possible. Mais c'est pas évident tout ça. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ce type de bornes-là à travers la planète. Donc, on n'est pas le seul qui dit, bon, on en veut de produits. Puis c'est comme la production de véhicules électriques. La demande est forte et puis les manufacturiers n'ont pas prévu les chaînes de montage pour en faire autant. Fait qu'ils ont toujours une petite production qu'ils avaient estimée qui serait bonne, mais finalement, c'est le double puis le triple qu'ils en auraient besoin. Donc, là, ils envoient ça en Norvège, ils envoient ça un peu au Québec, un peu aux États-Unis, ils essaient de remplir un peu la carte mondiale. Mais tu sais, dans ce temps-là, quand t'as des centaines de milliers de villes qui veulent des véhicules, puis t'en as 3 ou 4 000 qui ont été prévus d'être en production pour l'année, disons que tu as des problèmes par après. Puis là, tu dis, ah oui, on va augmenter la production, mais il faut des batteries. Puis les producteurs de batteries, eux autres, ils ont de la misère à en produire aussi rapidement que ça parce que là, ils se font tirer par Apple puis par Samsung qui ont besoin de ces batteries lithium-là pour leurs produits aussi, pour les ordinateurs portatifs, pour les tablettes, pour les téléphones. Toute la machine reste à suivre. Ah, il y a une production limitée mondial pour les batteries lithium, puis tout le monde en a besoin, puis ceux qui en ont le plus de besoin, ben c'est les véhicules électriques. Ouais. Fait que c'est difficile, c'est pour ça qu'on est restreint dans le nombre de véhicules qui sont disponibles. C'est à cause de ça. Ouais, ça va probablement s'améliorer. Tesla veut ouvrir sa propre usine de batteries. Est-ce qu'ils vont faire ça juste pour eux autres ou ils vont en vendre aussi aux autres? C'est une giga usine qu'ils vont produire. Puis, il y en aura pas seulement une seule. Il va y en avoir plusieurs. Au fur et à mesure de la demande, ils vont en faire plusieurs de cette façon-là. Puis, ils sont pas seuls. Hein. Il y a Samsung qui compte beaucoup là-dessus. Il y a Bosch en Allemagne. Il y a beaucoup de producteurs européens qui veulent s'investir grandement dans les batteries au lithium. Puis, les nouvelles générations qui vont pouvoir offrir 400, 800 kilomètres d'autonomie avec la même grosseur de batterie qu'on a présentement dans nos véhicules. Là, on parlait tourisme, PlugShare, tout ça, application iOS, Android, j'imagine? Oui, iOS et Android pour PlugShare. Pour Green Race, ça, on le retrouve en application web HTML5. Okay. On peut directement aller sur le site de Green Race. On a tous les liens sur notre site internet de l'AVEC, dans les guides comment utiliser des réseaux et outils pour propriétaires de véhicules électriques. OK, c'est beau. Donc, j'imagine l'application PlugShare a aussi un record de toutes les bornes qui sont au circuit électrique, pas juste ce qui est partagé par les usagers, mais j'imagine toutes les bornes qui sont disponibles. Tous les réseaux, autant le circuit électrique, autant le réseau vert, Écoroute Québec, Docteur Borné, qui est un nouveau réseau qui est en train de prendre l'expansion à travers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Et il va y avoir bientôt aussi le nouveau réseau de bornes de recharge haute vitesse qui va être aussi indiqué sur PlugShare et ainsi que localisateur de bornes qui est un localisateur fait au Québec. On va pousser de plus en plus maintenant pour nos utilisateurs. On va délaisser un peu PlugShare pour aller vers le localisateur de bornes. Il y a beaucoup de belles fonctionnalités qui s'en viennent pour les Québécois, puis on va les supporter dans leur application. J'imagine on peut avoir les informations sur combien ça coûte la recharge ou si c'est gratuit ou peu importe dans ces applications-là. Absolument, et même des photos. Donc, on peut cliquer sur les bornes, voir où est-ce qu'elle est positionnée exactement, de quoi elle a de l'air. D'après une photo, c'est toujours facile de s'orienter avec un arbre ou avec un restaurant. Il y a aussi les indications sur les heures d'ouverture. La plupart sont 24 heures par jour, mais ça va dépendre. Il y en a qui sont placés à différents endroits, des hôtels de ville, puis ils sont derrière des barrières. Donc, il y a des heures d'ouverture ou chez un concessionnaire automobile. On va aussi retrouver des commentaires des utilisateurs. Ça se peut qu'il y en ait qui disent « Bon, mais j'y suis allé il y a 3 heures, puis n'était pas disponible, elle ne fonctionnait plus, est en panne. OK. N'y allez pas. Non, c'est ça. C'est pas une bonne... Dépensez pas d'énergie pour vous rendre à une borne qui ne pourra pas vous servir pour charger. Ouais. Ou bien savoir, est-ce que la borne est utilisée présentement? Si j'ai le choix entre trois bornes, une à l'est, une à l'ouest, puis une vers le nord, puis il y en a deux qui sont occupées, faut pas que je me rende là-bas, que je me rende compte qu'elle est prise, ouais. Puis qu'il ne me reste plus assez d'autonomie pour me rendre à la prochaine qui est à l'opposé. Fait qu'il y a le statut de la borne qui est toujours indiqué. Elle va être rouge pour indiquer qu'elle est occupée ou verte pour dire qu'elle est disponible. OK. Bon, mais c'est bien, super intéressant. Donc, c'est faisable de voyager en voiture électrique. Faut juste planifier nos choses. Puis, tu sais, on parlait d'un petit clin qui partirait. Martin dirait, tu sais, un petit clin qui part avec son char électrique, puis il a rien planifié, puis il sait pas où aller se recharger. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive pas vraiment pour les gens qui voyagent en voiture électrique parce que c'est pris pour acquis que c'est plus difficile, là. Oui, oui. Vraiment, les gens le savent aussitôt. Puis on leur enseigne aussi, pas seulement sur le site de l'AVEC, mais aussi le concessionnaire, le vendeur, va leur dire, écoutez, voici comment vous pouvez faire pour savoir où vous recharger. Vous n'êtes pas obligé de rester toujours autour de votre maison tout le temps. Vous pouvez aller plus loin. Voici les outils, voici ce qu'il faut faire. Ouais. Puis petit à petit, les gens ont quand même certains doutes ou certaines craintes. Puis en lisant des sites comme l'AVEC, c'est là où ils se rendent compte que oui, c'est possible, puis que ça se fait bien, puis que c'est agréable. Puis ça nous donne une nouvelle façon de voyager, pas dispendieuse. Puis quand on fait un arrêt, bien, on s'organise pour faire quelque chose. On reste pas à côté de notre auto pendant 4 heures de temps. On va au cinéma s'il pleut, ou on va aller faire des activités dans les centres touristiques qui sont dans les alentours. Définitivement. Ouais, c'est ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Donc, messieurs, on va terminer ça là-dessus. Si on veut vous rejoindre, quelqu'un a des questions, des commentaires, comment peuvent-ils faire, Martin? Oui, ben, on peut me rejoindre sur la plupart des réseaux sociaux sous mon nom de Martin Sagala. Sinon, j'écris de temps à autre, plus ou moins assidûment, sur le site du podcast Auto. Ouais, moins que plus. Oui, moins que plus. Ces temps-ci, surtout, c'est assez épouvantable, mon affaire. Mais c'est pas grave. Un article de temps en temps, c'est bien apprécié. C'est plus que ce que je fais. Parce que moi, mes articles sont toujours ailleurs. Bon, toi, Jean-François, si les gens veulent te rejoindre. Ben, sur Twitter, à JFLIEU. J'ai mon blog, je ne sais plus si c'est un blog ou un désert, à jeffbeaulieu.ca. Surtout c'est un blog sur l'agriculture. Ouais, si tu ne vas pas l'arroser de temps en temps... Ouais, non. Ouais, c'est plus des plantes mortes que des plantes vertes. Exactement, oui. Mais bon. Parfait. Puis toi, Simon-Pierre? Ben, nous, c'est toujours au site de l'Association des véhicules électriques du Québec, au aveq.ca. Où on peut poser des questions justement à d'autres utilisateurs, d'autres propriétaires de véhicules électriques sur nos forums, lire les actualités. C'est un site qui est très occupé. On a eu plus d'un million de hits dans la dernière année. Donc, on le consulte beaucoup. On y revient régulièrement. Il y a toujours des choses intéressantes. Puis, c'est vraiment l'endroit idéal pour poser ces questions puis en apprendre plus sur l'électromobilité au Québec. Ouais, une question, vous avez des questions, vous avez, vous pensez peut-être vous en aller vers une Volt ou une voiture totalement électrique. Il y a des gens là-dessus qui en ont une, puis il y a même plus qu'une personne là-dessus qui en ont une. Fait que vous avez une question précise sur quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui a une réponse à votre question. Fait que c'est une bonne place où aller. Donc, puis moi, si vous voulez me rejoindre, ben sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a le site du Podcast Auto sur Facebook aussi. Ben le site. Il y a le site du Podcast Auto au podcastauto.ca. Il y a une page Facebook aussi qui est la page Podcast Auto. Sur Twitter, il y a aussi @PodcastAuto. Vous pouvez lire mes articles aussi que je poste une fois par semaine sur le blog automobile de Kijiji qui est à frkijijiblog.com. Puis vous allez dans la catégorie véhicules. C'est pas toutes des articles de moi, mais la plupart le sont. À chaque semaine, j'ai un article nouveau. Cette semaine, ça va être le Jeep Cherokee. Jeep Cherokee dont je vais vous parler à l'émission de la semaine prochaine. Et puis, on parlait véhicule électrique. Là, je vous fais juste vous mentionner. Dans la deuxième semaine du mois d'août, je vais rouler en Focus électrique. La semaine d'après, je vais rouler en Chevrolet Volt, puis la semaine d'après, je vais rouler en Spark électrique. Donc, ça va être un mois qui me coûtera pas cher de gaz. Mais j'ai vraiment hâte parce que, personnellement, je me magasine une auto électrique pour l'année prochaine. Ça va être mon cadeau de fête au mois d'avril l'année prochaine. Donc, en les essayant toutes, je vais pouvoir me faire une idée. Fait que c'est pas juste pour écrire des articles, c'est aussi une expérience de magasinage personnel. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette autre émission du podcast Auto, puis on se dit ben à la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Bye.